Chapitre 31. Alors commença une lutte terrible, opiniâtre, contre des dangers de toute nature. Pendant que Frédéric ramait avec une énergie incroyablement surexcitée par la vue de la pirogue du marquis, sur laquelle il jetait de temps à autre un regard de généreuse émulation, David, placé à l'avant du batelet, le préservait des chocs avec une adresse, une présence d'esprit merveilleuse. Déjà, il était assez rapproché de la métairie pour apercevoir très distinctement les malheureux rassemblés sur le faîte du toit, lorsqu'une énorme meule de paille, charriée par les eaux, s'avança droit sur le batelet qui lui offrait le travers en coupant le courant. Doublez vos coups de rame, Frédéric, s'écria David. Courage, évitons la meule. Le fils de Madame Bastien obéit. Déjà, la proue du batelet dépassait la meule, qui n'était plus qu'à 10 pas de distance, lorsque le jeune homme, roidissant ses bras en se renversant violemment en arrière, afin de donner plus de puissance à sa nage, fit, par un mouvement trop brusque, éclater son aviron de droite. Aussitôt l'aviron de gauche formant levier, le bateau vira, et au lieu de son travers, offrit son avant à la meule qui devait l'engloutir sous sa masse. David, surpris par la secousse, perdit un instant l'équilibre, mais il eut le temps de crier « Ramez ferme de l'aviron qui vous reste !» Frédéric obéit plus par instinct que par réflexion. Le batelet vira de nouveau, offrit son travers, et à demi soulevé par le remous de la masse sphéroïde qui déjà atteignait sa poupe, l'embarcation, pivotant sur son unique aviron, décrivit ainsi un mouvement demi-circulaire autour de l'écueil flottant et put le contourner en partie et ne recevoir qu'un léger choc. Pendant que ceci se passait avec la rapidité de la pensée, David, saisissant au fond du batelet l'aviron de rechange, l'avait de nouveau fixé au tollé en disant à Frédéric encore ému de l'effrayant danger auquel il venait d'échapper. « Prenez ce nouvel aviron et en avant, la pirogue nous gagne !» Frédéric saisit ses rames en jetant un coup d'œil étincelant sur l'embarcation du marquis. Elle se dirigeait droit vers la métairie, debout au courant, tandis que le batelet le coupait par le travers. Ainsi, en leur supposant une égale vitesse, les deux embarcations dont la direction présumée formait un angle droit devaient se rencontrer ensemble à la métairie. Mais, nous l'avons dit, la pirogue, quoiqu'elle remontât le courant, étant manœuvrée par 6 vigoureux rameurs, avait pris assez d'avance grâce à l'accident dont le batelet avait failli être victime. Frédéric, voyant le marquis le devancer, atteignit à ce point d'exaltation qui, pendant un temps donné, élève les forces humaines à une puissance irrésistible et lui permet d'accomplir des prodiges. On ne dit que le fils de Marie Bastien communiquait sa fiévreuse ardeur aux objets inanimés, et que l'embarcation allégée frémissait d'impatience dans sa membrure, tandis que les rames semblaient recevoir non seulement le mouvement, mais la vie, tant elles obéissaient avec précision, avec ensemble, on dirait presque avec intelligence, à l'impulsion de Frédéric. David lui-même, surpris de cette incroyable énergie, continuait de veiller à l'avant du batelet tout en jetant un regard radieux sur son élève dont il devinait l'émulation héroïque. Soudain, Frédéric fit entendre une exclamation de joie profonde. Le batelet n'était plus qu'à 25 pas de la métairie, tandis que la yole s'en trouvait encore éloignée de 100 pas environ. Soudain, de longs cris de détresse, accompagnés d'un craquement formidable, surmontèrent le mugissement des eaux. Un des pignons de la métairie, miné par la force du courant, s'écroulait avec fracas, et une partie de la toiture s'affaissait en même temps. Alors la famille, groupée autour de la cheminée, n'eut plus sous les pieds que quelques fragments de charpente dont les lentes oscillations annonçaient la chute imminente. Quelques minutes encore, et le pignon où était bâtie la cheminée s'abîmait à son tour. Ces malheureux offraient un tableau navrant, digne du peintre du déluge. Le père, debout, à demi vêtu, livide, les lèvres bleuâtres, l'œil hagard, se cramponnait de son bras gauche à la cheminée déjà vacillante. Sur ses épaules, il portait ses 2 enfants les plus âgés, qui se tenaient étroitement embrassés. À son poignet droit était enroulée une corde, dont il avait pu attacher l'autre bout à l'aise en fer de la cheminée. À l'aide de cette corde, qui saignait les reins de sa femme, il la soutenait et l'empêchait de tomber à l'eau, car l'infortuné, paralysé par le froid, la fatigue et la terreur, avait perdu presque tout sentiment. Le seul instinct maternel lui faisait serrer contre sa poitrine, entre ses bras roidis, un enfant à la mamelle. Pour le mieux tenir et le préserver, elle avait pris entre ses dents, qu'un spasme convulsif ne lui permettait plus de desserrer, le bas d'une jupe de laine dont elle s'était couverte à la hâte. L'agonie de ces malheureux durait depuis plus de 5 heures. Anéanti par l'épouvante, il semblait ne plus voir, ne plus entendre. Lorsque David, arrivant à portée de voix, leur cria « Tâchez de saisir la corde que je vais vous jeter !» Il ne reçut aucune réponse. Ceux qu'il venait sauver restaient pétrifiés. Reconnaissant que les naufragés étaient incapables de concourir à leur propre salut, David agit promptement car le pignon et ce qui restait de toiture menaçaient de s'abîmer d'un moment à l'autre. Le batelet, poussé par le courant, fut manœuvré de façon à aborder les ruines du bâtiment dans le sens opposé à leur chute imminente. Puis, pendant que Frédéric, s'accrochant des deux mains à une poutre saillante, maintenait l'embarcation latéralement à la toiture, David, un pied sur la proue et l'autre sur les chevrons vacillants, enlevant la mère d'un bras vigoureux, la plaçait au fond du bateau ainsi que son enfant. Alors seulement, l'intelligence de ces infortunés, jusque-là stupéfiée par l'épouvante, se réveilla tout à fait. Jean-François, se tenant d'une main à la corde, fit passer ses deux enfants de ses bras entre ceux de David et de Frédéric, puis le métayer descendit lui-même dans le batelet, s'y étendit à côté de sa femme et de ses enfants sous les chaudes couvertures, tous restant immobiles de crainte d'imprimer à l'embarcation de dangereuses oscillations durant son trajet jusqu'aux eaux mortes. À peine Frédéric courait-il à ses avirons pour s'éloigner des ruines de la métairie qu'elles s'abîmèrent. Le reflux causé par l'immersion de cette masse de décombres fut si violent qu'une grosse lame sourde souleva un instant le batelet. Puis, lorsqu'il s'abaissa, Frédéric aperçut à 10 pas de lui, au milieu d'un flot d'écume jaillissante, la yole du marquis à demi couché sur son plat-bord et prête à sombrer sous le poids d'un enchevêtrement de charpentes et de pierres, car, abordant la métairie au moment même et dans le sens de son écroulement, l'embarcation avait été couverte de décombres. Frédéric, à la vue du danger que courait la pirogue, suspendit un instant le mouvement de ses rames et s'écria en se retournant vers David « Pour les secourir, que faire? Faut-il ?» Il n'acheva pas, il quitta ses rames, s'élança à l'avant du batelet et plongea au milieu des eaux. S'emparer des avirons si imprudemment abandonnés par Frédéric et nager avec une vigueur désespérée vers l'endroit où il venait de voir disparaître le fils de Madame Bastien, tel fut le premier mouvement de David. Au bout de 2 minutes d'angoisse inexprimable, il vit Frédéric reparaître au-dessus du gouffre, nageant vigoureusement d'une seule main et traînant un corps après lui. En quelques coups d'aviron, David rejoignit son élève. Celui-ci, saisissant alors de la main dont il venait de nager la proue du batelet, soutint de son autre main, à fleur d'eau, Raoul de Pontbriand, pâle, inanimé et dont le visage était couvert de sang. Le marquis, frappé à la tête par l'un des débris qui avait failli faire sombrer sa yole, avait été de ce coup violent jeté à l'eau, pendant que ses rameurs effrayés ne songeaient qu'à débarrasser l'embarcation des charpentes qui la couchaient sur le flanc. Elle reprenait à peine son équilibre que le patron, s'apercevant de la disparition de son maître, jeta des regards effarés autour de la pirogue. Il aperçut alors le marquis soutenu à fleur d'eau par Frédéric. Les 6 rameurs de la yole eurent bientôt atteint le batelet et recueillit à leur bord Raoul de Pontbriand complètement évanoui. Frédéric, avec l'aide de David, sortait de l'eau et remontait dans le batelet lorsque les rameurs du château lui crièrent avec effroi « Gare à vous, un train de bois !» En effet, cette masse flottante, arrivant rapidement derrière le batelet, n'avait pas été aperçue de David, entièrement occupé de Frédéric. À ce nouveau danger, le précepteur retrouva sa présence d'esprit. Il lança sa gaffe accrochée sur la pirogue du marquis, et au moyen de ce point d'appui, il se hâta vers elle et échappa ainsi au choc du train de bois. « Ah, monsieur !» dit à David le patron des rameurs, pendant les quelques secondes que le batelet resta bord à bord avec la pirogue du château. « Le nom du courageux jeune homme qui vient de sauver monsieur le marquis ?»« La blessure de monsieur de Pontbriand peut être grave, » dit David sans répondre à la question du patron. « Retournez en hâte au château, c'est plus prudent. » Puis, dégageant le crochet de sa gaffe de la pirogue, afin de rendre au batelet sa liberté d'action, David dit à Frédéric, qui, la figure radieuse, rejetait en arrière sa longue chevelure ruisselante, « Avoram, mon enfant, Dieu est avec nous, atteignons les eaux mortes, et nous sommes sauvés. » Dieu, ainsi que l'avait dit David, protégeait le batelet. il atteignait sans encombre les eaux mortes. Là, le danger cessait presque entièrement. Le précepteur, n'ayant plus à veiller à l'avant, prit les avirons des mains lassées de Frédéric, pendant que celui-ci s'empressait de faire boire un peu de vin au naufragé. 10 minutes après, le bateau atterrissait à la rive de l'inondation.